الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد نواصل إن شاء الله ensuite notre cours sur les règles du jeûne. Il y a certaines personnes qui leur est permis de rompre le jeûne pour sauver des vies. Si par exemple on voit quelqu'un se noyer et qu'on sait que si on va essayer d'aller le sauver alors qu'on est en état de jeûne, on risque notre vie. Par exemple, qu'il y a des vagues, il y a du courant, tu n'as pas beaucoup de force, tu penses que si tu vas comme ça en état de jeûne, tu ne vas pas tenir. Tu as besoin de manger pour avoir de la force pour aller le chercher. Alors tu manges et tu vas le sauver et tu rattraperas ce jour. Deuxième cas, par exemple, pour les pompiers. Un pompier qui se retrouve dans une situation où il doit aller dans une maison en flammes, essayer de sauver les gens et il a besoin... Et il sait que s'il jeûne, ça peut être dangereux pour sa santé, pour sa vie. Il peut tomber, il peut s'évanouir. Ou il pense qu'il n'aura pas assez de force pour aller sauver ces gens-là. Dans ce cas-là, il lui sera permis de rompre le jeûne et d'aller les sauver, puis de rattraper ce jour-là. Non. En arabe, on peut dire les choses proprement, sans, alhamdoulilah, en expliquant les choses au détail, sans les dire. Mais en français, c'est plus difficile. On va essayer de rester le plus simple possible. En ce qui concerne un des actes qui rompt le jeûne, c'est le fait de faire l'acte sexuel avec sa femme. Et quand est-ce que c'est considéré comme un acte? À partir du moment où le goût du sexe de l'homme, il est complètement caché par le sexe de la femme. En delà de ça, c'est pas considéré comme un acte sexuel, c'est pas considéré comme jima. C'est interdit, mais c'est pas considéré comme d'avoir fait l'acte. Et celui qui fait l'acte avec sa femme pendant Ramadan, cette personne-là, il a fait un grand péché, bien sûr, devra se repentir, il devra rattraper ce jour-là, et pour expier sa faute, il devra jeûner 2 mois d'affilée. S'il jeûne, par exemple, 50 jours, il s'arrête un jour, après il reprend, il doit reprendre les 2 mois depuis le début. Sauf si le jour où il a arrêté, c'est un jour de l'Aïd. Si c'est le jour de l'Aïd, là, il y a juste le sang. Hein? Ou bien pour une femme, c'est une période de règle. Donc dans ce cas-là, elle devra reprendre tout de suite après. Donc, si par contre, l'homme s'approche de sa femme, mais ne fait pas l'acte sexuel, puis, il a eu l'inzal, c'est-à-dire le sperme est sorti, alors il devra rattraper ce jour. Son jeûne est invalide. Il devra rattraper ce jour-là, et il n'aura pas de kafara, il n'aura pas 2 mois à jeûner tant qu'il n'a pas fait l'acte. Non. En ce qui concerne l'acte, ce qu'on a dit tout à l'heure, s'il a fait l'acte, c'est-à-dire que son sexe, ou le goût de son sexe se cache, soit complètement caché par le sexe de la femme, même s'il n'a pas eu d'éjaculation, il devra rattraper le jeûne et faire l'expiation de 2 mois. ومن جامع اياما عديده من رمضان فعليه كفارات عديده. Et celui qui tombe dans ce péché plusieurs fois pendant Ramadan, il devra rattraper plusieurs fois. C'est par exemple, quelqu'un il a fait l'acte avec sa femme 3 jours ou 4 jours de Ramadan, il aura 3 jours à rattraper plus 3 fois 2 mois d'affilée à jeûner. Non. Donc pour montrer que ce n'est pas quelque chose avec lequel il faut rigoler. وَهَذَا الْكَفَارَةُ مُغَلَّظَةُ الْكَفَارَةُ l'expiation, ce n'est que pour la personne qui a fait l'acte, el-jima'a. Pour tout autre acte qui rompt le jeûne, manger, boire, prendre un médicament, quoi que ce soit, c'est haram, c'est un grave péché. On a déjà vu le châtiment de ceux qui font cela. Quel sera leur châtiment dans l'au-delà? Leur bouche sera déchirée et le sang coulera de leur bouche, la tête à l'envers. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a vus. Mais ils n'auront pas l'expiation à faire. La seule chose qu'ils auront à faire, c'est rattraper ce jour-là. La personne qui ne rattrape pas, c'est qui? Celui qui n'a pas jeûné tout court. Celui qui n'a pas jeûné, il ne jeûne pas le jour de Ramadan. Il n'a même pas l'intention de jeûner. Celui-là, il doit se repentir et faire le maximum de jeûne surrogatoire. Par contre, celui qui avait commencé et qui a coupé avant la fin sans raison valable, il devra obligatoirement rattraper ce jour-là. Car Shara'a fi, il avait commencé. Non. Il y a des gens aussi qui peuvent essayer de faire quoi? De ruser avec Allah. Mais Allah Ta'ala est plus fort en ruse. Si quelqu'un veut approcher sa femme pendant Ramadan, mais il sait que s'il l'approche, il devra jeûner deux mois d'affilée après. Alors il se dit d'abord je vais manger, comme ça après je vais l'approcher, comme ça j'aurai juste un jour à attraper, j'ai pas deux mois d'affilée à faire. Là il aura deux mois d'affilée à faire l'expiation. Parce que celui-là, il a mangé pour faire l'acte. C'est pas pour manger. C'est pour faire l'acte qu'il a mangé. Donc celui-là, il aura quand même les deux mois d'expiation à faire. Non. En plus du jour à rattraper. Par contre, en ce qui concerne le baiser, ou bien le toucher, ou bien d'étreindre, c'est-à-dire prendre dans ses bras, ou bien regarder sa femme, tout cela, ça ne rompt pas le jeûne. Car Aïcha radiallahu anha a rapporté dans le hadith sahih, rapporté par le Bukhari et Muslim, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam embrassait ses femmes alors qu'il était en état de jeûne. Et qu'il les touchait alors qu'il était en état de jeûne. Mais, à la fin, elle a rajouté une phrase importante. Wa kana ablakukum li irbi. Mais, le prophète sallallahu alayhi wa sallam savait retenir son désir. Donc, ce sera permis pour la personne âgée. Ou pour la personne qui sait que ça ne va pas lui donner envie d'aller plus loin. Mais le jeune, ou la personne qui a, même une personne âgée qui a une shahwa, qui a un désir fort, cette personne-là, elle ne devra pas s'approcher de tout cela. Ni les baiser, ni toucher, ni regarder. Car ça peut le pousser à aller plus loin et à faire quoi l'interdit, c'est-à-dire de faire l'acte avec sa femme dans les jours de Ramadan. Une parenthèse, ce qui est interdit, c'est de le faire dans la journée. Mais quelqu'un qui s'approche de sa femme dans la nuit, c'est halal. C'est que dans la journée, à partir de Fajr jusqu'au Maghrib, jusqu'au coucher du soleil, où c'est interdit. Et donc, tout moyen qui peut t'amener au haram, c'est haram. Donc si quelqu'un, le fait de regarder trop sa femme, ça peut l'emmener au haram, ou ça peut l'emmener à avoir même une éjaculation, ce sera haram pour lui de trop la regarder pendant les jours de Ramadan. Car chacun est différent. Donc il y a des gens plus sensibles que d'autres. Donc ça, il faut, chacun, il se connaît. La personne qui fait l'acte avec sa femme dans la nuit, puis, l'heure de Fajr, elle est rentrée, il entend l'adhan. Que doit-il faire? Il doit s'arrêter tout de suite. Et même si, après s'être arrêté, si il s'est séparé d'elle, c'est-à-dire il est sorti, il a, c'est-à-dire une éjaculation, après cela, ce n'est pas grave, son jeûne sera valide. Tant que lui s'est arrêté au moment de l'adhan. Mais s'il continue, alors son jeûne sera invalide. Il devra rattraper ce jour-là et il devra expier avec deux mois de jeûne d'affilée. Sans compter le repentir qu'il doit faire car il a fait un péché encore en violant un jour sacré des jours de Ramadan. Non. Celui qui se réveille en état d'impureté majeure, par exemple un homme ou une femme, on fait l'acte dans la nuit, puis ils ont dormi, ils sont pas lavés avant de dormir, bien que la sunna c'est de se laver avant de dormir, de faire ghusl avant de dormir, mais s'ils l'ont fait, c'est pas haram, ils ont dormi. Et ils se sont réveillés après la veille de Fajr. Leur jeûne est valide, tant qu'ils ont mis l'intention dans la nuit de jeûner, et ils font, même s'ils font le ghusl, même s'ils se lavent après la veille de Fajr, leur jeûne, il sera valide. Le fait d'être en janab, à état de janab, en état d'impureté majeure, ça ne nuit en rien au jeûne. L'obligation, c'est de se laver pour la prière. Non. De même, celui ou celle qui cherche à prendre du plaisir, c'est-à-dire faire éjaculer, avec tout moyen possible, que ce soit avec un membre, ou en réfléchissant, ou en regardant, et effectivement le sperme est sorti, celui-là, son jeûne est invalide. Et il devra rattraper ce jour-là. Et cet acte-là, il est haram, que ce soit pendant Ramadan ou en dehors de Ramadan. Il n'est pas permis à l'homme ou alors voit la femme de pratiquer la masturbation. C'est haram en islam. Non. Car Allah tabaraka wa ta'ala a dit وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ, ceux qui préservent leur sexe, sauf pour leur femme ou ceux qui possèdent de la voie légale. À l'époque, quand il y avait les femmes esclaves, maintenant il n'y en a plus. Donc, sauf pour leur femme. Donc, la personne, le seul plaisir qu'il a le droit de prendre avec ce membre-là, c'est avec sa femme. Pas autrement. Non. Et en plus du fait que c'est haram, ça fait rompre le jeûne pendant le mois de Ramadan. Car dans le hadith al-Qudsi, Allah tabaraka wa ta'ala a dit, en parlant du jeûneur, « Somouli wa ana azibi. » Le jeûne, il est pour moi, c'est moi qui en donne la récompense. Il a laissé sa nourriture, sa boisson, « wa shahwatahu » et ses plaisirs. Et effectivement, que ce soit de faire l'acte, ou que ce soit de l'istimna, que le sperme sorte d'un autre moyen, c'est se procurer du plaisir et c'est interdit donc pendant le jeûne. Donc le musulman et la musulmane pendant les jours de Ramadan, il doit s'éloigner de tout ce qui pourrait éveiller ses désirs. Tout ce qui pourrait réveiller ses désirs, il doit s'en éloigner. Car pendant les jours de Ramadan, ça lui est interdit. Alhamdulillah, en dehors de Ramadan, il a tout le temps, la nuit, il a tout le temps. Donc pendant les journées, il doit s'éloigner de ces choses-là. Celui qui vomit sans faire exprès, alors celui-là, il peut continuer son jeûne sera valide. Mais celui qui se fait vomir, que ce soit en mettant son doigt dans la bouche, ou en sentant une mauvaise odeur, ou en regardant quelque chose qui le dégoûte, en faisant exprès pour se faire vomir, celui-là, s'il vomit en faisant exprès, c'est-à-dire en cherchant un moyen de se faire vomir, son jeûne sera invalide et il devra rattraper ce jour-là. Non. Comme il a été rapporté dans le hadith sahih, rapporté par l'imam al-Tirmidhi. De même, une personne qui, sans faire exprès, a avalé sa dent. Sa dent, elle est tombée, il l'a avalée. Son jeûne, il est valide. De même, quelqu'un qui avale la poussière de la route, ou bien un moucheron pendant qu'il marche, ou bien sa salive, ou bien même son crachat. Certains ulama ont dit que si son crachat il le ressort, s'il sort dans la bouche, s'il le ravale, son jeûne est invalide. Mais le sahih, c'est que ce n'est pas invalide tant qu'il n'a pas cherché, en faisant cela, à remplir son estomac. Tant qu'il n'a pas cherché à réunir, par exemple, beaucoup de salive ou de crachat pour remplir son estomac, pour ne pas sentir la faim. Il y en a qui cherchent toutes les techniques possibles. Donc c'est pour ça que les ulama ont parlé de tout ça. Si les ulama ont parlé, c'est qu'il y a des gens qui l'ont fait. Ça vous paraît peut-être bizarre, mais c'est qu'il y a des gens, ils l'ont fait ou ils ont